On va donc aborder cette septième séance du séminaire sur les politiques des sciences, séminaire alternatif. Une séance qui aujourd'hui est consacrée, donc, dont le titre est « Devenir professeur, le rôle de la recherche », donc à la charnière entre recherche et professeur et formation des professeurs. Alors, à mes côtés, j'ai donc Isabelle Landonna, qui est professeure à l'Université de Reims, Laurence Gavarini de l'Université de Bourgogne, Thierry April à l'IUFM de Créteil, et on attend, parce qu'elle finissait un autre séminaire à 17h, Laurence Decoq, qui est enseignante au lycée Joliot-Curie de Nanterre et à l'INRP. Alors, moi, je me contenterai simplement de quelques mots pour dire pourquoi il nous a semblé important aujourd'hui de consacrer une séance dans le cycle qui a commencé en novembre aux réformes de la formation des professeurs qu'on labellise aussi avec le terme de masterisation. Ça ne comprend pas tout, mais derrière ce terme, il y a effectivement la question de cette formation. Alors, je crois que c'est d'abord parce que on peut y repérer, et on va le voir dans les interventions, des questions transversales et communes aux thèmes qui ont été traités précédemment. J'en retiendrai simplement trois. Je crois que se pose la question de la place et du rôle du savoir dans notre société, avec l'idée d'un savoir utile qui est de plus en plus promu. Et on verra qu'à travers les réformes en cours concernant cette formation des professeurs, et puis j'ai un petit peu relu les textes avant aujourd'hui, on constate une diminution des contenus disciplinaires des concours, des mémoires de master qui devront être faits dans une année qui m'a l'air assez rocambolesque, et un appauvrissement des programmes. Le deuxième point commun avec des questions qu'on a déjà traitées, c'est la question, un mot qui ressurgit beaucoup, la professionnalisation, hein, qui est un terme qui revient, notamment dans, sous la plume des deux ministres qui avaient signé un texte dans Le Monde il y a quelque temps. Donc, professionnalisation. De ce point de vue-là, il m'a semblé que ceux qui réussiront à franchir les obstacles de cette année assez chargée auront effectivement peut-être une professionnalisation, mais on va évidemment discuter entre formation critique et prêt à penser. Là, je crois qu'il y a quand même un pas qui est franchi. Et puis, il est question pour les professionnalisés de faire suivre des stages aux futurs professeurs. Alors là, je ne résiste pas. La circulaire qui a lancé les opérations pour la mise en place des diplômes nationaux de master ouverts aux étudiants se destinant au métier de l'enseignement. Il y aura donc en licence des stages de découverte, en M1 des stages d'observation, c'est-à-dire qu'à chaque fois on arrive à trouver un label différent, en M2 un stage en responsabilité qui sera offert à des admissibles, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas encore le concours. Et en M2, toujours, des stages en situation dans d'autres secteurs pour les non-admissibles. Bon, en sachant que, apparemment, mais ça, les invités vont le préciser, certains stages auront lieu, si j'ai réussi à comprendre, avant les épreuves. Donc la professionnalisation sera assez complexe si on pense que le stage peut effectivement contribuer à cette professionnalisation. Quant à ceux qui auront échoué, il faudra qu'ils peaufinent que j'ai repéré sous le terme de PPP. Il n'y a pas que des partenariats publics-privés. Il y a d'autres PPP dans le jargon actuel. C'est un projet professionnel personnel. Alors là, j'ai pas non plus tout à fait compris en quoi ça consistait. Vous allez sûrement nous éclairer. Donc on fait tout ça la même année, hein. On passe un concours, on fait des stages, on prépare un master et on peaufine son projet professionnel personnel. Enfin, troisième point commun avec les questions qu'on a déjà abordées, c'est tout le discours sur la revalorisation et la modernisation, notamment du métier d'enseignant. J'ai vu que là aussi, pour les enseignants du secondaire et du primaire, il y aura des primes, des indemnités individuelles. Selon le mérite, se pose évidemment la question de l'évaluation de ce mérite. Deuxième, donc ça c'est les thèmes que j'ai repérés, mais il y en a beaucoup d'autres. On repère aussi dans la façon de faire passer ces réformes des méthodes qui sont communes à tous les domaines d'intervention. Une précipitation instrumentalisée pour passer en force, une incohérence des textes qui sont quand même relativement bâclés, la fameuse circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, Si on prend le premier paragraphe, je cite, « La réforme des conditions de recrutement et de la formation conduisant au métier de l'enseignement doit permettre, dans le cadre notamment du cursus menant à l'obtention d'un diplôme national de master, d'améliorer la qualification des personnels en vue de renforcer la réussite des élèves et de faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne. » Et surtout, et là, la phrase s'arrête. C'est-à-dire que c'est le premier paragraphe de la circulaire, et ils savent même pas rédiger correctement. Alors comme on est dans une bataille de mots, je pense qu'on peut citer les textes et montrer qu'ils savent même pas relire les copies. Le désengagement de l'État aussi, je crois, qu'on voit à plusieurs moments. L'idée de faire des économies, alors là encore, le rapport du député UMP Dominique Lemener, qui a présenté donc à l'Assemblée nationale un rapport sur la mastérisation, je le cite. D'autre part, le schéma d'emploi du projet de budget est directement issu de cette réforme, c'est-à-dire la mastérisation, dont l'un des effets est d'affecter, à compter du 1er septembre 2010, dans les écoles et les établissements scolaires, les enseignants nouvellement recrutés. En conséquence, en venant s'ajouter à la suppression de 600 emplois administratifs, cette mesure entraînera la suppression, à compter de cette date, de 9182 emplois d'enseignants stagiaires, 6733 emplois d'enseignants stagiaires, c'est le primaire et le secondaire. Donc les économies sont revendiquées à l'Assemblée tout à fait ouvertement. Enfin, dernier point, je crois, mais ça, justement, les invités vont nous en reparler. J'ai cru quand même déceler un certain mépris des conditions de travail des enseignants, parce que je vois pas comment on va pouvoir organiser une préparation à un concours, vu que la moitié les étudiants passeront leur temps à circuler entre des stages et la fac ou l'UFM où ils prépareront les concours. Donc j'imagine, j'ai vécu ça quand j'étais à l'université, pour faire un emploi du temps, c'était l'enfer. Donc là, je pense que ça va être juste impossible. Dernier point, il me semble, pour lire régulièrement les mails qui arrivent sur mon ordinateur, qu'il y a quand même un certain nombre de résistances locales. Un certain nombre de conseils d'administration apparemment refusent, puisque apparemment il faut envoyer très très vite des réponses et des retours pour organiser le concours de l'année à venir. Et là, évidemment, je pense que nos invités vont pouvoir nous donner quelques éléments sur cette résistance des facs et du terrain. Et puis la position des UFM par rapport à ces réformes. Voilà. Alors bon, je vais d'abord donner la parole à Thierry April, qui va peut-être commencer par vous présenter un peu la situation, la formation telle qu'elle se présente, et puis telle qu'elle va advenir. Et puis ensuite, on enchaînera dans un ordre qu'on n'a pas vraiment décidé, je ne sais pas, peut-être Laurence, et puis ensuite Isabelle, et Laurence de Coq ensuite prendra aussi la parole. Voilà, merci.